que o quê? Sim, dog! Look up ma vocation! L'album de Minef Roya! Que o quê? Écoutez, c'est ce toi Roya. J'arrive direct de la rue qui passe à de nos jours. Il faut que se trahir entre eux. Pareil que je sais pas rapper. Attends, je te l'affirme. Mon son va tourner dans tous les ghettos français. Juste le temps d'une zique. Mon son va basculer dans l'obscurité du rap français. Pareil que je sais pas rapper. Pareil que j'assume mes libertés. Toujours au pied pour monter au sommet du rap français. J'écris ce son pour faire mon album qui s'appelle Le rap, ma vocation, Roya. Nique sa mère, mon son me partage pour plus de personne. La preuve, je stoppe, je lance des calages de crime. Nique l'état et les MC qui friment, Roya. N'essaye pas de nous cacher. Un freestyle de trois rimes, donc après parti. Je donne à mode mercenaire. On a tous un cœur de pierre. On a tous la même envie de sortir de la galère. Fuck fuck, tous ces fils de pute. Fuck fuck, Sarko et la brigade des stupes. Fuck fuck, j'attends, j'en ai marre, je veux manger ma pièce. Fuck fuck, l'état à cause de mon pays a perdu toute sa richesse. Qui est ok hein. Fuck fuck, tous ces fils de pute. Fuck fuck, Sarko et la brigade des stupes. Fuck fuck, j'attends, j'en ai marre, je veux manger ma pièce. Fuck fuck, l'état à cause de mon pays a perdu toute sa richesse. Ça sent la patate dans ma vie, je te croisais de psychopathe dans nos rues. Ça plante, ça tire, et ouais gros, c'est la du roi de la chaîne. Ici c'est ce doc, écoute, écoute. Et tu sentiras qu'on a la dalle. La vie, la vraie, je la connais. Valmont, c'est le quartier qui m'a éduqué. Trop de gens m'ont déçu, ma vie, très mon aimant, la galère. Depuis mon adolescence, je fais des points qui m'aident à survivre. Ce sont ces points pour les fils de la taille. Des gens qui n'ont pas compris que la vie c'est une bataille. J'ai perdu une bataille. Mais allez, la guerre je la gagnerai. VND c'est à les couilles de m'arrêter. Mon cul n'est pas condamné à pourrir dans les idées. Car depuis petit je vis dans la chaîne. À longueur de journée, ça crie Ara dans nos quartiers. Mehdi, un frère Tarsar, lui seul m'a toujours soutenu. Pas tant que d'autres personnes se foutaient de ma gueule. Je n'ai qu'une chose à dire, le jour où je monterai au sommet. J'écrirai un son pour ceux qui n'ont pas cru en moi. Pour vous, je ne baisserai jamais les bras. Trop souvent, les flics repartent dans le mois du ramadan. À croire qu'ils veulent nous serrer le ventre vide. Ils nous mettent exprès une droite dans le bide. Lâchez-moi, je n'ai que mon rap pour réussir. Fuck fuck, tous ces fils de pute. Fuck fuck, Sarko et la brigade des stupes. Fuck fuck, j'attends, j'en ai marre, je veux manger ma pièce. Fuck fuck, l'état à cause de mon pays a perdu toute sa richesse. Fuck fuck, tous ces fils de pute. Fuck fuck, Sarko et la brigade des stupes. Fuck fuck, j'attends, j'en ai marre, je veux manger ma pièce. Fuck fuck, l'état à cause de mon pays a perdu toute sa richesse. Ok ok, The Dog de Minef Roya. Le rap ma vocation. L'album de Minef Ro. Une dédicace à Valmont. Ok ok.